ce moyen que nous cherchons. En le cherchant tous deux ensemble, peut-être nous le trouverons. Pour être fort, on se rassemble. Et ce moyen que nous cherchons, peut-être nous le trouverons. Cherchons tous deux, cherchons ensemble. Et ce moyen que nous cherchons, peut-être nous le trouverons. D'abord, je puis tomber malade. Vous avez l'air de vous porter si bien. Certes, c'est un mauvais moyen. Une inutile reculade. Non, non, non, ce n'est pas cela. Madame Angot n'aurait pas trouvé ça. Madame Angot n'aurait pas trouvé ça. Voici peut-être quelque chose. Si j'assommais votre futur époux, la somme. Que dites-vous de ce moyen que je propose? Non, non, non, ce n'est pas cela. Madame Angot n'aurait pas trouvé ça. Madame Angot n'aurait pas trouvé ça. Si vous disiez à Popolet, renoncez à ma main vous-même, ou bien avec celui que j'aime, je vous tromperai. Ça se fait, mais ça ne se dit pas. Hélas, hélas, nous ne trouverons pas. Consolez-vous, laissez-moi faire. Si rien ne vient rompre cette union, maman ou monsieur le maire nous dira la phrase ordinaire. Au lieu de oui, je dirai non. Vous direz non. Je dirai non. Vous direz non. Je dirai non. C'est pour en faire un mensonge. Clairette, un baiser de vous, ou je meurs à vos genoux. Non, non, laissez-moi de grâce, je ne veux pas que je m'embrasse. Clairette, un baiser de vous, ou je meurs à vos genoux. Non, non, laissez-moi de grâce, je ne veux pas que je m'embrasse. Clairette, un baiser de vous, ou je meurs à vos genoux. Il faut que je vous embrasse. Je ne veux pas que je m'embrasse.